CFOU 89.1. Cette semaine, au Mathieu Planchot. Dans Segment Geek, CNX, un joaillier lance des iPhone 5S en véritable or 24 carats. Chez Google, on pense fabriquer un Android en carton, parce que c'est moins cher, ça va se vendre. Dans Television, Super Écran pense à offrir des séries en anglais sous-titrées en français. Ne savent-ils pas que les Québécois sont ben trop paresseux? Pour ça, il n'y a pas de punch dans ma blague, mais c'est juste une remarque. Et dans La Geekette en devenir, des romans à l'eau de rose mettant en vedette des dinosaures. Par contre, je trouve que ça manque de Normand Lamour sa couverture, comme... Et voici celui qui va vous traduire l'émission live en morse, Mathieu Plante. Et dans le fond, on a eu une pin contre Android et on a eu une blague de Normand Lamour au Madrid avec les dinosaures. Pour ceux qui suivent pas les blagues, là. Ouais. Ça peut durer à comprendre par moment, mes blagues, hein? Tu vois? Un peu longue aussi pour l'intro. Ouais, ouais. Bonjour, bienvenue, Mathieu Plante. Je suis Mathieu Plante, je m'appelle Normand Lamour. Et un peu comme Normand, besoin de sa poignée de porte. Sa poignée de porte. La poignée de porte. Mariette Picard est là. Ben oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, toi? Mes blagues sont beaucoup trop songées pour notre public cible, je pense. Ouais, je pense que là, aujourd'hui, c'était un petit peu trop. Ouais, un petit peu trop beurré. Dans quelques instants, on va faire le segment Geek CNX. Plus tard, on a aussi Television et la Geekette en devenir avant la fin de l'émission. Ben oui! Tu vas nous parler de ce que tu as découvert en ligne. Bien sûr. Mais avant ça, on va écouter un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire, vous le savez, inspirée par les jeux vidéo créés à partir de consoles de jeux vidéo. On va commencer par une pièce de 64 méga. Voici Fate of the Worlds. Sur C'est fou. C'était 64 Mega et Fate of the Worlds au Mathieu Planchot. Évidemment, Mathieu Planchot, comment? Ben oui, voyons. Comment se tromper? C'est tellement différent de l'assemblage requis. Ben, en tout cas, moi, je pense que c'est le même gars. Même gars. Mais... Même corps. Même beau buddy. Buddy, t'es prête pour... Oui, buddy, je suis prête. Parce qu'on dirait qu'on a un petit peu changé l'ordre malgré tout. Ben oui. Donc voici CNX. CNX.com. Dash.com. Nous voilà en train de commencer avec CNX à se mettre sur plein de choses. D'habitude, on fait Television en premier. Bon, ben oui, ben oui. Pourquoi là, moi? M'as-tu trouvé pas pire, là? Parce que là, j'étais comme pas habitué, là. C'était en premier, là. C'est vrai. Ma voix était-tu réchauffée? Le stress, on dirait que tu parlais plus vite. Ouais, c'est ça. Donc, commençons avec les cellulaires volés qui ne pourront plus être réactivés. Une liste noire des téléphones déclarés volés ou perdus est entrée en vigueur, empêchant ainsi ces appareils d'être activés ailleurs au pays par quelqu'un d'autre. Lorsque les consommateurs annoncent à leur fournisseur de services que leur téléphone a été dérobé ou perdu, l'identifiant unique IMEI de l'appareil sera ajouté à la base de données. Ces téléphones ne pourront plus se connecter au réseau des fournisseurs canadiens participant au programme. Les consommateurs peuvent également utiliser un outil de recherche sur le site protectyourdata.ca pour vérifier que s'ils n'achètent pas un objet volé avant d'acquérir un appareil usagé. Caroline, qui était temps! Mais hein? On pourra plus, Caroline, puis on ne se fera plus avoir. En tout cas, ça devrait pas. Si on fait ses devoirs. Ben, j'espère. Voilà. Maintenant, 1,27 milliard de profils Facebook réunis sur une seule page. C'est une application qui s'appelle The Faces of Facebook qui crée le buzz sur le web puisqu'elle rassemble sur une seule et même page plus de 1,27 milliard de profils du numéro 1 des réseaux sociaux dans le monde. Hein? Sont-ils tous ensemble? Oui, et avec une photo à chaque en plus. Ah, mon Dieu! Chaque utilisateur du réseau social peut même le connecter à son profil et ainsi découvrir sa position dans cette fresque chronologique par ordre d'inscription. Donc, tu veux savoir à quel moment tu t'es inscrit par rapport aux autres. En cliquant sur n'importe quel pixel de cette toile géante, là, on a dit pixel, c'est minuscule. Ben, c'est ce que je me disais. C'est pour ça que je t'ai demandé, sont vraiment tous ensemble? Parce que ça a comme pas de sens. C'est littéralement... Tu vois rien, ouais, c'est ça. Presque invisible. Ouais. En cliquant sur n'importe quel pixel, donc, l'internaute peut accéder au profil des abonnés. D'abord, via une mosaïque de toutes leurs photos de profil, puis en cliquant sur n'importe quel. En connectant l'application à son profil, il devient possible de visualiser sa place dans cette foule considérable. Donc, près d'un humain sur six sera aujourd'hui connecté à Facebook et d'en faire profiter tous ses amis. Mise à jour en temps réel, son compteur affiche le nombre total d'abonnés à Facebook, un chiffre qui progresse de plusieurs dizaines d'unités à chaque seconde. Quand même. Allez voir ça. Donc, évidemment, c'est The Faces of Facebook et l'adresse qui pourrait normalement, tu sais, moi je trouve que ça aiderait la mettre dans l'article, mais apparemment qu'on n'est pas rendu là sur le web, c'est thefacesoffacebook.com, donc relativement simple à trouver. Maintenant, un autre projet de montre intelligente. Ah oui? Ça n'arrête plus. C'est en train de voir le jour sur la plateforme de financement participatif Indiegogo. Elle s'appelle la AI Watch et elle fonctionne sous Android. Elle se présente comme un véritable mini-téléphone intelligent capable de passer des appels et de faire fonctionner de nombreuses applications. Ouais, c'est cool. On en veut tous une, je pense. Ben oui, hein? Toi, Android? Ah, j'avoue. Je me reconnais plus moi-même. Ben non, c'est ça. Montre futuriste, elle embarque dans son bracelet un emplacement réservé à la carte SIM et un paquet d'autres détails techniques. L'avantage de la AI Watch sur les montres connectées qui sortent actuellement sur le marché serait de pouvoir disposer d'un appareil mobile autonome, donc pas besoin de téléphone via lequel se brancher par Bluetooth. Ah, oh, cool! C'est un bon avantage parce que j'avoue que des fois tu peux l'oublier ton téléphone, mais t'as encore ta montre sur toi. Ben oui, c'est ça. Ah, oh, cool! Donc, cette montre s'annonce compatible Bluetooth, pas avec un téléphone, mais avec d'autres appareils, un écouteur, mais Wi-Fi et 3G. Ça nécessite néanmoins un investissement d'au moins 100 000 $ Si cet objectif est atteint, la montre pourrait alors ensuite être vendue 279 $ chaque pour les premières livraisons prévues en décembre 2013. Ah, c'est pas si peu que ça. Mm-hmm. 280 Parce que, tu sais, mettons, les montres qui sont connectées à un téléphone, c'est ça, ça a des désavantages, mais ça a des avantages aussi. La montre peut être fabriquée avec des pièces moins chères parce que tout ce que ça fait, c'est relayer le signal par Bluetooth à ton téléphone. Mm-hmm. Donc, 280 $ pour une montre, c'est un peu cher. Tu sais, mettons, la Pebble qui est branchée au iPhone coûte 130 environ, 150. Ouais. Ben, tu sais, ça dépend. Là, dans le fond, mettons, si tu regardes là, des montres ordinaires ou en argent, c'est pas si pire que ça, là. Tu sais, une montre en argent peut te coûter comme 200$ à peu près la même affaire. On dirait que t'as l'expérience de ça. Ben oui, mais c'est dans les prix. Je trouve, là, mais je pensais que ce serait plus cher vu que c'est plus électronique. C'est plus intelligent. Ouais, c'est ça, exact. Ça va nous rendre plus stupide, mais c'est plus intelligent. Fait que tu sais, dans le fond, que tu sois en argent ou celle-là, ben, c'est à peu près la même affaire. Ouais. Tiens, parlons de bijoux. Oui. Parlons d'or. Oh. Parce que tu sais que l'iPhone 5S est sorti en couleur champagne, qui ressemble à de l'or, mais très pâle. Ouais, c'est très beau. Et bien, la firme Gold & Co. Va dévoiler la première gamme d'iPhone 5S en or 24 carats. Ben non! Oui, aussi en or rose et en platine, au moment même où le dernier iPhone couleur dorée commercialisé depuis la semaine dernière semblait trouvable. Alors qu'en début de semaine, un acheteur a placé une enchère sur eBay de 10 100 $ pour s'adjuger un iPhone 5S couleur dorée. Dans le fond, le vrai qu'Apple sort, là, il est tellement en demande. Oui. Le joaillier de luxe va bientôt proposer le même combiné, mais en or pur pour seulement 5 000 $. Yeah. L'iPhone doré lancé par la firme de Cupertino la semaine dernière serait déjà en rupture de stock, ce qui explique ses enchères vertigineuses pour un simple téléphone bling-bling, nous dit l'article ici de lapresse.ca. Les versions en or 24 carats, en or rose, Colin, et en platine du 5S seront présentées le 27 septembre, c'est déjà passé, au Salon international du luxe, le World Luxury Expo, à Abu Dhabi. C'est dans ce même salon que le joaillier avait annoncé l'année dernière le lancement de la version or de l'iPhone 5. Donc, Colin, il était avant-gardiste quand même. Ouais. qui est en édition limitée à 250 exemplaires. Le prix du combiné 24 carats était fixé à 5 000. Ah, mais j'en reviens pas que le monde, que tu disais que les enchères sont quand même hautes, là. 10 100 $ pour un vrai iPhone Apple, même pas couvert de vrai or, c'est juste peinturé or. Ouais. C'était ridicule. Aïe, aïe. Mais bon. En tout cas. Le monde, hein? Oui. Le monde. La société Saint-Jean-Baptiste a lancé l'application J'achète en français, dont l'objectif est d'identifier les entreprises dites franco-responsables. Par cette application, les consommateurs sont invités à identifier, géolocaliser et noter le service en français offert dans les entreprises et commerces du Québec. Le président de la SSJB, Mario Beaulieu, affirme que l'usage du français est menacé et qu'il faut encourager la présence du français dans l'espace public, dit-il. Il note également que les gens sont plus nombreux à opter pour l'anglais lorsqu'ils sont servis dans la langue de Shakespeare dans un commerce. Avec son application, la SSJB invite les personnes qui fréquentent des commerces de tout genre à noter l'établissement sur une échelle de 1 à 10, ajouter si désiré des commentaires et publier le tout en ligne. Au moins, l'initiative a du sens. Oui. Il y a l'application qui va être sur iPhone, Android et Facebook. Mais c'est pas mauvais. Non, pas mauvais. On n'est pas nécessairement tous du même avis sur la mort de la langue française. Non, non, c'est ça, mais c'est bien. C'est bien. Faut le dire quand c'est bien. Oui. Les internautes qui ont l'habitude de publier des vidéos sur YouTube le savent, celles-ci sont soumises aux droits d'auteur en ce qui concerne les musiques, même d'ambiance, donc les musiques de fond. Souvent, les vidéos vont se faire retirer parce qu'il y a une musique de fond. Comme, par exemple, c'est la raison pour laquelle on pourrait pas, et j'ai voulu le faire, mettre les émissions de C'est fou que je fais sur YouTube avec des petits liens vers les codes temporels donc dans la vidéo. Mais on peut pas parce qu'on passe la musique, il faudrait enlever chaque chanson, ce qui prendrait une éternité. Ouais. Donc, afin de ne plus risquer la censure ou le rejet de ces vidéos, Google a mis en ligne une toute nouvelle bibliothèque de musique libre de droit. C'est le fun, hein? Le lancement de cette bibliothèque audio correspond à la mise en ligne de 150 morceaux instrumentaux libres de droit à utiliser gratuitement sur n'importe quelle création destinée à être partagée sur YouTube. Leur utilisation dépasse bien évidemment le cadre de YouTube. Par exemple, on pourrait, si on voulait, entre chaque chronique, à la place de diffuser du palmarès de Sifu, on pourrait jouer de la musique générique comme ça, d'ascenseur de YouTube. Wouhou! Si on voulait. L'ensemble de ces morceaux est classé par genre, humeur ou encore instrument. Certaines de ses œuvres sont connues, mais aujourd'hui libres de droit, telles que les compositions de Beethoven, Rossini ou Bizet. Elles durent de 1 à 23 minutes et sont toutes téléchargeables en MP3, encodées en 320 kbps. Donc, la qualité maximale d'un MP3, 320 kilobits, que je sache, c'est le max. Ah ben, c'est cool. C'est vraiment le fun et c'est sûr qu'à 150 chansons, c'est un début, ça va... Ben, ça va sûrement augmenter. S'ils voient que la demande est là et que les gens, ils prennent, qu'ils s'en servent beaucoup... Ça va peut-être augmenter. Et sûrement que des artistes vont se proposer pour en faire de la musique libre de droit. Parce qu'en ce moment, ce qui est bizarre, c'est qu'à la bibliothèque de QTR, on peut emprunter des CD de musique de fond, là, libre de droit. Oui. Et ça fait qu'à chaque capsule vidéo ou n'importe quoi que les gens utilisent, ben, c'est tout le temps la même musique. Tu vois tout le temps dans le dossier Extreme Music, fait que c'est tout le temps la même chanson qui commence. C'est ça. Ben, c'est sûr que oui, à 150, ça va revenir. C'est ça. Mais j'espère qu'il y a des artistes qui vont se proposer, puis on va pouvoir voir ça. Ça a du potentiel. À moins que les gens ne veuillent pas les prendre parce que c'est comme trop musique d'ascenseur. Trop cheesy, justement. C'est ça. Fait que là, ça ne marchera pas. Puis là... On va voir. Parlant de cheesy et de gens qui n'ont aucune capacité intellectuelle à penser par eux-mêmes, une fausse publicité qui prétend que la nouvelle mise à jour du système d'exploitation d'Apple, iOS 7, rendra automatiquement les appareils étanches. What? A déjà fait des dégâts chez les détenteurs d'iPhone et d'iPad. Oh non! T'sais, ben cerveau non. À off, là. T'sais, complètement. Oh non! Il y a genre pitché de l'eau sur son téléphone en pensant que ça allait être étanche. Une mise à jour du système d'exploitation, pas l'appareil. Ben voyons donc. Ouais. Donc cette publicité semble à première vue émaner de la firme Apple avec la même police de caractère et le même genre de photos et de mise en page. Mais elle proviendrait en fait du réseau 4chan et grâce à Facebook et Twitter qui ont abondamment repris cette information, de naïfs détenteurs d'appareils tournant sous iOS ont été dupés. Je cite, passe à iOS 7 et devient étanche. En cas d'urgence, un bouton déconnectera automatiquement le téléphone de l'alimentation électrique ainsi que les composants associés pour éviter d'abîmer le fragile système de votre iPhone. Ben voyons donc. Tu me niaises. Mais je comprends pas comment ça se fait que tu peux pas y passer. Je m'attendrais à ça des utilisateurs d'Android, mais pas des gens. Non, c'est une blague. C'est juste trop facile. Mais ouais. Non, pour vrai, c'est nul. C'est con. Un Canadien fait fureur sur Kickstarter avec son imprimante 3D. Un entrepreneur de la Saskatchewan est devenu une célébrité du site web de financement Kickstarter avec son projet d'imprimante 3D qui se détaillerait au faible coût de 100 $. Hein? Non, tu sais, là, ça s'en vient abordable. Ça? Là, on peut s'en acheter une, littéralement. Wow! C'est achetable. Bon, vas-y. Rylan Grayston de Yorkton en Saskatchewan a publié vendredi son appel à un financement de 50 000 $ pour contribuer à la fabrication du Peachy Printer qui serait non seulement peu dispendieux, mais également facile à utiliser. L'appareil serait aussi conçu pour fonctionner comme un scanner 3D. Monsieur Grayston affirme que le financement aiderait à améliorer le prototype, à bonifier son logiciel logiciels et à accroître le volume de production dans le but de pouvoir offrir le produit à seulement 100$. Sa présentation a semblé plaire grandement aux contributeurs potentiels sur le site de Kickstarter. Son objectif de 50 000$ a été atteint en un peu plus d'une journée. Déjà, c'est battu. Il explique avoir eu le désir de concevoir sa propre imprimante 3D, étant donné son incapacité à allonger 3 500$ pour le modèle existant qu'il voulait acquérir. Il s'est alors investi à fabriquer lui-même l'appareil le moins dispendieux possible. Parle-moi de ça! Aïe, aïe, 3 500$ versus 100$. Tu sais? C'est... Décision, dilemme, Parce que je vais prendre celle-là à 3 500$. Je vais en prendre 35, non, attends, ouais. En maths. Je vais en prendre 305. Faites le calcul. Bill Gates nous annonce que la combinaison, CTRL-ALT supprimé était une mauvaise idée. Hein? Pourquoi? Ben, parce que c'est un peu compliqué, tu sais. Ben là, voyons. Ouais. Le cofondateur de Microsoft a avoué cette semaine que d'exiger l'étrange combinaison de touches pour se connecter à un PC était une erreur. Dans le cadre d'une entrevue livrée lors d'un événement de financement de l'Université Harvard, Gates a parlé des débuts de Microsoft et de la décision entourant la combinaison CTRL-ALT supprimé. C'était une erreur. Admet Gates devant la foule amusée, je cite, « Nous aurions pu avoir une seule touche dédiée à cette fonction, mais le concepteur du clavier IBM ne voulait pas nous la donner. » Fin de la citation. Il aurait pu avoir une touche, mais non, ils ont dit, « Non, il y en a assez de touches, hein? » Voyons donc. C'est parce qu'on a besoin d'une touche print screen, auto-arrêt défilement et pause atre. Oui, essentiel. Print screen, c'est très essentiel. Une fois de temps en temps, j'avoue. Mais sur le Mac, c'est comme Command, Alt, Shift, 3, Delete, Backspace, Rewind, ça n'a pas d'allure. C'est pour éviter que les logiciels malveillants redirigent les utilisateurs vers un faux écran de connexion conçu pour subtiliser leur mot de passe que les anciennes versions de Windows exigeaient l'étrange combinaison de touches. David Bradley, qui est l'ingénieur responsable de la conception du clavier IBM, c'est donc celui qui a refusé à Bill Gates la touche, oui. Est à l'origine de la désormais célèbre combinaison qui servait d'abord à redémarrer un ordinateur déjà en marche. Il a déclaré, je cite, « J'en suis peut-être l'inventeur, mais Bill l'a rendu célèbre. » Faisant référence aux nombreux problèmes informatiques traditionnellement rattachés à Windows. Une pin de Windows, c'est presque aussi facile qu'une pin contre Android, ça? Ben oui, hein? Aujourd'hui, la combinaison de touches est toujours en vigueur, permettant aux utilisateurs de Windows 8 de verrouiller l'accès à leur PC ou d'accéder au gestionnaire de tâches. C'est bon. Savais-tu que c'était le 15e anniversaire de Google? Non. Le Google, pour souligner l'événement, le géant de la recherche dévoile un nouvel algorithme de recherche. Et pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblait la première version de Google, tapez « Google in 1998 » dans la barre de recherche et vous allez retomber sur une page telle qu'elle était en... Non, dans le fond, il y a combien? C'était 15 ans, donc en 1998. Ça le disait juste dans la phrase. Ben oui, c'est ça, j'allais dire. Pourquoi tu cherches la note? Parce tu viens de que le dire? Je m'écoute pas parler. Le site vous présentera alors les résultats de la recherche du nom Google lors de l'année de sa fondation. À l'époque, seulement 234 000 résultats étaient répertoriés et aujourd'hui, cette recherche du nom Google donne plus de 18 milliards de résultats. C'est fou, hein? Pas pire. L'entreprise a dévoilé un nouvel algorithme de recherche qui s'appelle Hummingbird, comme un colibri, là. Cet algorithme a été mis en place le mois dernier et traite 90% des requêtes effectuées depuis le site de Google à travers le monde. Hummingbird est conçu pour mieux comprendre les requêtes de recherche plus longues et plus complexes. L'algorithme se distingue de la classique recherche par mots-clés en s'ouvrant au langage naturel. Google tente désormais de s'éloigner des opérateurs booléens traditionnels. Ça, c'est des « et les « ou » qu'on retrouve d'habitude. Si tu peux faire des « plus » et des « moins » dans le temps, on le fait plus vraiment, mais quand même. Afin de trouver des réponses plus pertinentes à des requêtes plus complexes. Il s'agit du plus important changement du moteur de recherche depuis que l'entreprise est passée à l'algorithme Caffeine en 2010. La recherche vocale est également dans la ligne de mire de Google. On le sait, tout le monde fait ça. Siri, cherche-moi... tu sais, quelque chose du genre. Ouais. Je l'ai jamais vraiment utilisé, sauf pour demander combien il fait dehors. C'est tout ce que j'ai trouvé comme question. Je me sentais pas original ce jour-là. Mais bon. Comme la plupart des gens. Facebook vous permet enfin de modifier vos statuts. Il est désormais possible de corriger les erreurs d'inattention de vos publications Facebook, fonction plutôt anodine qui était jusqu'alors indisponible aux membres du populaire réseau social. Bien qu'il est possible de modifier vos commentaires, depuis plus d'un an, Facebook a toujours été réfractaire à l'idée de permettre la modification des publications malgré les demandes répétées de ses utilisateurs. Et bien, c'est maintenant chose faite. Auparavant, quand on était perfectionniste, comme je le suis, et je le fais à chaque fois que je fais un statut sur Facebook pour, mettons, annoncer l'émission de la journée, je suis tout le temps en train de l'effacer, de le refaire tout le temps. C'est fatigant et c'est ce qu'il fallait faire avant. Ouais. Donc, tant mieux, je vais m'en servir. Ben oui. Ouais. Maintenant, voilà pour la portion CNX régulière One Size Fits All Edition. On va transitionner, comme on le fait toujours, à la portion CNX Wow What Web. Ouais, le tout simplement était en effet approprié en ronde. Parlons de pizza au ramen, Marie-Ève. Hein? Oui, pizza au ramen, mais c'est incroyable. Je crois j'en rêver. Oui. Donc, à la place d'avoir de la pâte habituelle, Jake Angie Lopez Alt, très beau nom en passant, nous a trouvé une alternative assez awesome à la croûte. Donc, c'est des ramen. Bien sûr, les ramen, c'est... Souvent, on va dire sur Internet que les ramen, c'est le prochain bacon. Mmh. T'sais, tout le monde veut quelque chose au bacon, là, tout le monde veut quelque chose au ramen, non? Ouais, c'est vrai. Ouais, ben c'est ça. Donc, on se rappelle, il y a eu un ramen burger il y a quelques temps. Et bien, maintenant, c'est une alternative au pain, à la pâte, étant donné sa saveur et son croquant, si on veut. Ça rajoute un petit quelque chose en plus à la bonne vieille pâte à pizza. Donc, la recette est sur assemblagerequis.com dans la section What Web. C'est quand même assez simple. Nouilles instantanées, huile d'olive et sauce à pizza, topping, garniture de votre choix. Ben, faut-tu t'es fait cuire avant? Je crois que oui, c'est du croquant, donc oui, faut pas les faire cuire avant, c'est du croquant. OK, fait dans le fond, tu fais juste étendre tes paquets de ramen, puis tu mets tout le reste dessus, puis tu mets ça au four. Si je comprends bien, là, je dois t'avouer que j'ai pas lu toute la recette au complet, mais donc on dit d'ajuster le rack à la position du centre, de faire bouillir de l'eau salée. Ajouter les nouilles et les cuire, ben oui. Okay. Voilà. Mais ça doit être moins croquant si t'es fait cuire, en tout cas. Ouais, c'est ça. Tu mets l'huile d'olive, blablabla, et un petit peu de mozzarella. Il y a trois étapes, en gros, c'est vraiment pas compliqué, donc on pourrait même l'essayer. Ouh. Live en studio. OK, go! Tout de suite. maintenant, tiens, intéressant, je sais pas si tu te rappelles du film de Super Mario Brothers. Oui! Dans les années, c'est quoi, 90? Ouais, oui. C'est ça. Donc, ça n'a pas été un très, très gros succès au box-office, même plutôt un échec. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que ça ressemblait aucunement à la... Non, alors, c'est ça, au tableau qu'il faisait, mettons, là. Vraiment aucunement. Les noms des personnages, c'est les mêmes, la plupart. Donc, une entrevue en 2010 avec Parker Bennett, qui est la personne qui a écrit le film. Il expliquait que ses intentions étaient de faire un autre film. Et les scripteurs Stephen Applebaum et Ryan House ont décidé de continuer l'histoire de Super Mario Brothers dans les aventures au cinéma. Donc, ils se sont parlé, Bennett et les deux scripteurs, et ensemble, les trois ont repris le monde original et ont fait une série de bandes dessinées. Donc, c'est écrit par Applebaum et Haas et dessiné par Eric Donovan et James Reed. Donc, leur objectif était de poster une page par semaine et de créer le premier arc de l'histoire. 10 chapitres qui vont consister, dans le fond, qui vont avoir 10 pages chaque. Et tout ça va mener à un climax, donc un moment clé qui va terminer la trilogie de ces personnages-là. Et donc, il y aurait aussi plusieurs side stories, donc des histoires accessoires à côté, si on veut, pour encore une fois augmenter l'univers. Il y a quelques pages de la bande dessinée qui sont disponibles en ce moment. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com. C'est la suite du film Super Mario Brothers! Ouais! C'est une bonne idée, je trouve. Ça va être meilleur qu'un autre film, tu sais. Ben, j'espère. J'espère aussi. Mais pour vrai, c'est un bon souvenir. Même, mettons que tu fais semblant que c'est pas du Mario, c'est très bon, t'sais. Ben oui, c'est un souvenir, puis c'est le fun. Pas mauvais. Il y a plusieurs logiciels pour convertir des fichiers d'un bord et de l'autre, là, mais il y en a depuis longtemps, mais celui-là en est un autre, un service de conversion de n'importe quoi en ligne. Ça s'appelle Cloud Convert, donc cloudconvert.org. Interface en ligne, facile à utiliser, on peut convertir une centaine de différents formats, que ce soit un MP3, des livres électroniques, des vidéos, images, n'importe quoi, et ça passe par le web totalement gratuitement. Ça va intégrer plusieurs services aussi sur lesquels domper tes fichiers. Donc mettons, tu pourrais domper tes fichiers sur Dropbox, sur Gmail, des trucs comme ça. Donc allez voir ça, c'est cloudconvert.org. Le lien est évidemment sur assemblagerequis.com. Wow, c'est cool. C'est pas mal de fun. Ouais. Tu sais, rêver le jour au bureau, c'est belle fun. Arrive souvent, ben oui. Avoir, comme on dit, la tête dans les nuages. Mm-hmm. Et ben tu pourrais avoir littéralement la vraie tête dans les vrais nuages. Ben pas les vrais nuages, mais les faux nuages. C'est une compagnie, une agence coréenne qui a créé Cloud Pink. La compagnie s'appelle Everywhere, W-A-R-E. Et ça vous donne une chance, dans le fond, de toucher les nuages, littéralement, ou presque. Ça permet aux visiteurs d'interagir avec ces projecteurs. En fait, c'est des nuages projetés sur un écran et qui peuvent être manipulés par le toucher. Donc, tu peux faire bouger les nuages et générer de nouveaux nuages sur un genre de canevas numérique. Faut voir la vidéo pour comprendre comment ça fonctionne, mais c'est quand même assez évident dans la vidéo. Oui, mais on voit des images aussi, là. C'est beau, là. Pour vrai, ça donne envie d'avoir ça dans sa chambre, tu sais, imagine. Mais ça, là... Tu dois bien dormir, hein? Eh oui. Wow. Maintenant, tiens, le studio de design Vitamins qui a créé en fait un calendrier fabriqué de blocs Lego. Donc, Vitamins a réussi à rendre ça en plus interactif et ça se synchronise en ligne avec un vrai calendrier en ligne. Mais un vrai calendrier en ligne, c'est un peu bizarre de dire ça. Donc, chaque mois est représenté dans le calendrier par un long panneau rectangulaire. Donc, dans l'image, on peut voir trois mois séparés dans l'image qu'il y a sur l'article sur assemblagereiki.com. Oui. Donc, c'est divisé en colonnes et ça, tout ça représente le genre des jours de la semaine. Et quand tu assignes un projet, donc les employés vont attacher une brique à la bonne date. Une brique représente une demi-journée qui est allouée à un projet particulier. La couleur de la brique représente le projet en tant que tel. Et s'il y a un employé de spécifiquement attitré à ce projet-là, l'employé va être représenté par une figurine Lego. Et après ça, c'est que n'importe qui peut prendre une photo du calendrier, l'envoyer à une adresse courriel précise, et en le faisant, le Google Calendar va être synchronisé au calendrier Lego dans la vraie vie. Malade. Pour vrai, là. C'est génial. C'est fort en tabarnouche. C'est beau en plus, là. Ah, vraiment, et les couleurs de Lego, c'est super bien choisi. C'est débile. J'ai pas vu les petites figurines, mais ça aussi... Mais oui, ils sont en haut, là, à gauche. Ah oui, ils sont à gauche. Sur le bord, là, comme s'ils attendent pour partir. Comme genre une course de chevaux. Oui. Ah, c'est génial. Donc, c'est ça, on peut partager son temps avec les autres et échanger même des briques. On pourrait s'échanger des briques de place, ben à oui. prendre la photo. C'est sûr que là, prendre la photo, c'est plate. Il faudrait qu'il y ait une caméra comme l'autre mur. On accroche au mur, ouais. Pour que ça on peut tout le monde un téléphone. Et voilà. Et voilà, mais j'imagine qu'un jour, ça va être un petit peu plus automatisé. Oui. Tu te rappelles le Large Hadron Collider qui essayait de reproduire un trou noir il y a quelques temps de ça. Donc, la European Organization for Nuclear Research, le CERN, avec le Large Hadron Collider, le plus grand accélérateur de particules au monde, on peut maintenant le visiter. C'était compliqué comme ça. C'était beau, hein? Wow. On peut maintenant visiter ça en direct via Google Street View sur le site du CERN. Cool. Donc, c'est le produit final d'un shooting qui a pris 2 semaines. C'était en 2011. Ils ont pris des images de 5 différentes places dans les locaux de chez CERN. Donc, 4000 pieds carrés environ de ce tunnel Large Hadron Collider. Vous pouvez aller les voir sur Google Maps. Donc, allez voir ça sur assemblagereki.com. Maintenant, sur Vine, on retrouve quelqu'un qui reproduit la physique, les mouvements dans Grand Theft Auto 5 dans la vraie vie. Donc, tu sais, dans Grand Theft Auto 5, qui est sorti il y a quelques semaines... la physique est pas tout à fait là. Si quelqu'un, mettons, fonce dans une poubelle, son mouvement va être un petit peu bizarre. Il va comme tomber d'une drôle de façon. Et le gars, il sur Vine, ça c'est des vidéos de 6 secondes sur Vine, il va reproduire ces mouvements-là dans la vraie vie de mal quoi ça aurait l'air. Mal fait, toi. Ah, c'est drôle. Ça dure 6 secondes, ça se voit super. Mais oui. C'est cool. Il y a un robot qui peut résoudre n'importe quel cube Rubik en dedans de 30 secondes. What? Non, en dedans d'une seconde, même. Hein? Pourtant, j'ai regardé la vidéo tantôt. Pendant une seconde, oui, c'est ça. Donc, c'est un robot, littéralement, qui peut faire n'importe quelle combinaison. Par contre, il faut que tous les côtés du cube aient été scannés à l'avance. Et ensuite, il va pouvoir faire le cube. Et une autre attrape, c'est qu'il doit avoir des il y a comme un des carrés dans le milieu qui a une petite enclave. Pour en que cave? La machine puisse prendre le bloc dans ses mains. Donc, c'est comme un cube modifié un peu. OK. Mais quand même, une seconde, c'est impressionnant. Oui. Pour vrai. T'as même pas le temps de penser, puis c'est déjà fait. Ouais. Donc, allez voir ça, encore une fois, sur le site. Est-ce qu'il y a quelque chose de moins visuel un petit peu? J'aimerais savoir quelques affaires de moins visuel. Ah, tiens, Apple Maps. Deux fois, le mois dernier, les utilisateurs d'Apple Maps, donc l'application de cartes sur le iPhone, ont fini sur comment dire? La place où on fait atterrir les avions, là, à l'aéroport, là. Bref, la ligne d'arrivée. Là. Ouais. Donc, à la Fairbanks International Airport dans l'Alaska, à cause d'un bug dans l'application qui affecte les nouveaux appareils. Donc, la map, normalement, elle va t'arrêter juste avant la place où les avions arrivent. Mais deux fois ce mois-ci, des conducteurs sont entrés sur la piste. Piste! Ben, voyons donc! Piste, c'est le mot que je cherche. Ouais, ben, ça, là... Tu sais, même si ton téléphone, ta map, elle dit de continuer, là, c'est parce que si tu vois que tu peux pas, là... Puis le pire, c'est que ça disait même pas d'y aller, là. C'est juste que ça me demandait, ça disait pas d'arrêter. Mais ouais, c'est ça, il disait pas, vous êtes arrivé à votre destination, mais franchement, tu le vois bien que tu rentres sur une piste, là, me semble. Au moins, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de blessure. Mais quand même. Et ça s'est passé tôt le matin entre deux vols, là, au moins. Mais les fois où ça arrivera pendant qu'il y a un avion qui s'en vient, là, on en reparlera sûrement, tu sais. Bizarre. En tout cas. Ouais. Et comment est-ce que les gens peuvent entrer dans avec leur voiture? Il n'y a pas de sécurité du tout dans l'aéroport, je ne sais pas trop. Non, quand. C'est ça. Mais bon. Yeah. Il y a un gars qui se fait installer un nez dans la face. C'est Zaolan, 22 ans. Donc, il se fait pousser un nouveau nez sur son front après que son nez d'origine a été endommagé dans un accident de voiture et il refusait les traitements médicaux. Donc, une infection a rendu ça complètement irréparable. Et après plusieurs mois, l'infection a causé une corrosion dans le cartilage de son nez. C'est donc impossible pour les chirurgiens de le réparer. Donc, leur seule alternative était de lui faire pousser un nez dans le front. Donc, ils ont placé des tissus, de la peau, là. Un truc pour extensionner la peau sur son front. Et vous pouvez voir la photo sur assemblagerequis.com. J'imagine qu'ils peuvent pas le faire pousser en dessous du bras ou à une place moins visible dans l'intérieur de la cuisse ou je sais pas quoi. Mais là, ça veut dire que dans le fond, il respire vraiment avec celle-là? Non. Avec lui sur son front? D'après ou est-ce moi, qu'ils vont l'enlever puis après ça, ils vont le remplacer? C'est mais... ça. Ils vont le remettre à sa place. Dans le fond, c'est que son nez, il était endommagé, mais il y a encore un trou pour que l'air passe. Donc, j'imagine que la peau pousse sur le front et ils vont juste prendre la peau et la mettre sur son nez à la fin. Ew! Mais c'est bizarre qu'il fasse ça à un endroit aussi visible. Ah, c'est pas beau de suite, là? Non, pas nécessairement. Ça a l'air d'un mité. Ouais. Sorry. Sorry. No offense, but here's an offense. Les faces des acteurs de Star Trek fusionnées avec Photoshop et notre prochain article, allez voir sur assemblagerequis.com. Donc, on prend des acteurs de la série Star Trek, The Original Series, et on les mélange avec les films de Star Trek. Et ça nous montre, dans le fond, que les acteurs des films de Star Trek sont vraiment, vraiment similaires à ceux de la série originale. Pour vrai, je m'attendais pas à ce que... Je me rappelais qu'il y avait au moins un petit air de famille, mettons. J'avais trouvé des acteurs relativement de la même shape, mais qui leur ressemblent autant que ça dans chaque photo. C'est quelque chose. Oui, quand même. C'est Chris Pine mélangé avec William Shatner, ben Zachary oui. Quinto avec Leonard Nimoy. Aïe, aïe. C'est impressionnant. Oui, vraiment. On va voir ça. Et voilà pour notre portion Cynix. Oh! Déjà? Oui, déjà. Ben, quand même. Quand même pas pire. Donc, on prend une petite pause. Ouais. Et on revient juste après avec une deuxième partie du Mathieu Plante Show. Ça te tente, ça? Ben, mais ça que ça me tente. Ben, t'as pas mal le choix. Ouais. Ça va être pas mal ça. Deuxième partie dans quelques secondes. Restez là. C'est fou. 89. Bonjour Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante et Marie-Ève Picard, bien sûr. Eh oui. Si seulement le nom de l'émission pouvait être le Mathieu Plante Show avec Marie-Ève Picard ainsi que aussi Mathieu Plante. Ah, ce serait pas vrai. Ça marcherait moins beau sur le graphique. C'est le long, genre, c'est ça qui est drôle. Oui, mais ça, moi j'adore ça. Ben oui. Dans quelques minutes, on fera Television. On a aussi plus tard, c'est un Fête Edition et Geekette en devenir. C'est moi ça. Mais pour l'instant, on écoute encore une autre pièce de Chiptune, la deuxième de notre émission d'aujourd'hui. Voici l'artiste Flamingo et Happy Chords. MPS, là j'ai plein de choses. Yeah! Flamingo et Happy Chords au Mathieu Plante Show. Et maintenant, on continue avec Television. Television, la chronique télévision de Mathieu Plante Show. Ah oui? Incroyable, mais vrai. Oh. Commençons avec Rêve d'acteur. Connais-tu cette émission, Rêve d'acteur? Non. Ça joue à Art TV et la série dans laquelle les comédiens vivent un fantasme professionnel en jouant dans de fausses bandes annonces sera l'objet d'une version anglaise destinée au marché international, incluant les États-Unis et le reste du Canada. Oh. Une entente de partenariat a été signée en ce sens par le président et chef de la direction de Encore Télévision, François Rozon, et le président de Dakota Pictures, Troy Miller. Les deux boîtes bosseront côte à côte dans le cadre de l'adaptation de Rêve d'acteur rebaptisé Dream Roll. Mais d'autres projets tirés du catalogue d'Encore Television, je pense que c'est en français, d'Encore Télévision, pourraient aussi être développés par Dakota Pictures. Encore Télévision est derrière les productions de Caméra Café et Mirador et Les Beaux Malaises de Martin et Matt qui s'en vient à TVA l'hiver prochain. Les Beaux Malaises figurent d'ailleurs dans les adaptations possibles avec Dakota Pictures. Le producteur et réalisateur Troy Miller sera consultant créatif et producteur exécutif de la version anglaise de Rêve d'acteur. Depuis la mi-septembre, Art TV permet de découvrir les fantasmes professionnels de Jessica Barker, Antoine Bertrand, Alexandre Goyette, Brigitte Lafleur, Alex Perron et Rémi Pierre-Pac. C'est vraiment cool. Ça a le fun, ça. Oui, on devrait l'écouter. On va faire ça. Si vous aviez le choix, préféreriez-vous voir vos séries en anglais avec sous-titres français dans un délai plus court ou alors traduites en français dans le délai qu'on a déjà? C'est ce que demande Super Écran, qui songe à diffuser des séries en version originale sous-titrée en français. Ils ont décidé de tâter le terrain auprès de leurs abonnés. Très bonne idée. Depuis la naissance de HBO, Super Écran diffuse en primeur la plupart des séries de cette chaîne en version française. On parle des Sopranos, Six Pieds Sous Terre, True Blood, Le Trône de Fer et Girls. Ils ont tous été diffusés à Super Écran avant d'apparaître ailleurs. Si Super Écran a posé la question, c'est parce qu'elle dispose des versions sous-titrées dans un meilleur délai que les 3 mois qu'il faut attendre pour les versions doublées. Je cite... Ouais, c'est ça, c'est le fun. OK, je viens de les comprendre. Là. Okay. Dans le fond, tu pourrais les avoir, mettons, le mois suivant, peut-être deux semaines après, en sous-titré. C'est cool. Crime. Pourquoi pas, je veux dire? Pourquoi pas? On est capable de pas lire les sous-titres, là? Au Québec, apparemment pas. Je vais vous lire une citation de Super Écran. Même si nous en venions éventuellement à présenter des séries sous-titrées, nous diffuserions tout de même la version traduite en français par la suite pour ceux qui la préfèrent. À lire les commentaires laissés sur la page Facebook de Super Écran, on comprend que de nombreux abonnés toléreraient mal d'entendre de l'anglais sur cette chaîne francophone, mais que plusieurs autres aimeraient avoir le choix. Alors que la télé française diffuse les versions doublées des séries américaines bien avant nous, les téléspectateurs québécois doivent souvent attendre des mois, voire des années. Il se trouve qu'une nouvelle chaîne vient d'être lancée en France, Canal Plus Série, qui offrira des séries américaines sous-titrées comme Revenge et Scandal à peine 24 heures après leur diffusion aux États-Unis. Wow! Aïe, aïe! Pourquoi mais nous, dire on non? On va-tu la voir, cette chaîne-là? Non, c'est Canal Plus juste Série, en non. France? C'est juste en France. Mais c'est ce que Super Écran propose faire. Et moi, pour une chaîne qui coûte, mettons, 15 $ par mois, je m'attends à ce que, peut-être que tu me passes les séries sous-titrées pendant la nuit, au pire. Hey, c'est... Il n'y a rien c'est qui t'empêche. C'est génial comme idée. Si le doublage a souvent mauvaise presse, il n'en demeure pas moins que les téléspectateurs québécois choisissent en très forte majorité de regarder les séries américaines dans leur version doublée. On est vraiment, vraiment paresseux intellectuellement, je trouve. C'est pas juste ça, c'est que quand tu es habitué, tu sais, mettons, expérience personnelle, tu sais, quand tu es habitué que tu regardais une série depuis que tu es jeune en français, mettons, puis que la série elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sessions, quand tu arrives à un moment donné puis que tu switches, mettons, en anglais. Les voix sont pas les mêmes. C'est pas pareil. Il y a une adaptation qui est difficile. Tout à fait. Mais pour les séries, mettons, que tu connais pas, est-ce que tu serais ouverte à les regarder en sous-titré? Ben oui. Pour vrai. Ben oui, c'est sûr. Mais de toute façon, là n'est pas la question, mais tu sais, je me dis, c'est juste que c'est souvent ça. Tu sais, ils sont pas habitués. Oui, paresseux, comme qu'on dit, mais quand t'es pas habitué, là, c'est dur de switcher. Ouais, non, je peux comprendre. C'est sûr que les Français sont habitués à ça parce que c'est comme ça depuis toujours. Ouais. La version sous-titrée en premier, puis plus tard, la version doublée. C'est ça. Mais bon, comme je dis, c'est pas obligé d'être en prime time. Là. Ça peut être l'après-midi, quand tout le monde est au travail. Tu nous passes ça, on l'enregistre sur la machine de compagnie, peu importe. Là. Moi, qui marche jamais, là. Ouais, qui marche rarement. Notre télé, donc, n'a que très rarement présenté des œuvres en version sous-titrée, nous dit la presse, à l'exception de films en langue étrangère à Télé-Québec, à Radio-Canada et à Art TV, ou des segments de séries documentaires ou des téléréalités américaines, mais souvent même les téléréalités vont être doublées, je ne peux pas croire. Ouais. Ah ouais, c'est débile. Qu'on passe notre temps à faire des traductions de comme ça. Mmm, mousie. Parlant de traductions de et d'émissions de c'est Musimax qui retire Minimis et Honey Boo Boo. Donc c'est bien malheureux, dans le fond tout ce qu'il y a à dire c'est que la polémique entourant la tenue d'un concours de Minimis à Laval a convaincu la chaîne Musimax de retirer de sa programmation les populaires émissions de télé-réalité américaine Minimis et Honey Boo Boo Child immédiatement. Se considérant comme rassembleuse et anticipant des plaintes possibles, la chaîne musicale a pris cette décision afin d'éviter toute controverse. Honey Boo Boo est donc remplacée, et l'autre aussi, là, peu importe par quelle émission. Il y avait une pétition signée par Guy Lepage, Vianney Cloutier et d'autres, lancée par Dr. Alain Vadeboncœur, qui circulait afin de suspendre la tenue de ce concours de beauté pour fillettes qui était supposé avoir lieu à Laval en novembre. Et à cause de toute cette controverse, on a aussi enlevé les émissions qui en parlaient. Ben, c'est correct d'enlever le concours, là, mais ça, en même temps, si tu veux le regarder, si tu veux regarder Honey Boo Boo... Pourquoi pas, tu sais? Je veux dire, si sérieusement, c'est le genre d'émission que tu veux regarder, premièrement, je te juge. Oui, aussi. Non, mais tu sais, ça fait autant de dire ça, attends, mais sérieusement. Attends un peu, on va s'asseoir, là. Ouais. Parlons-nous, disons-nous les vraies affaires, sérieusement, c'est ce que là, sur... Ah, là, franchement, là, des minimis, là, des petites filles de 5 ans, là, maquillées au bout, qui ont l'air de des filles de 30 ans, Non. Mais bon. Ensuite de ça, Netflix va offrir du stand-up et du stand-up original. Ça va commencer avec Russell Peters et son spectacle Notorious le 14 octobre. Peters, avec un S, que Forbes a nommé le troisième stand-up comédien humoriste donc qui a fait le plus d'argent en 2013. Se fait a des fans partout dans le monde. Et donc, Netflix va offrir un spectacle de sa part. Netflix qui a aussi acheté quelques autres émissions spéciales de stand-up. D'habitude, le stand-up, c'est diffusé à la télé sur Comedy Central, sur HBO... Donc, ils en ont acheté pour les diffuser exclusivement sur Netflix. C'est encore une bonne avancée. Et on avait parlé il y a quelques mois de James Gandolfini lorsqu'il est mort. On se demandait ce qu'il allait arriver à la série dans laquelle il allait jouer Criminal Justice. Eh bien, la chaîne américaine HBO a annoncé que l'acteur Robert De Niro va prendre part à ce projet depuis sa mort, donc ça va être lui qui va le remplacer. Oh. Ils ont indiqué que De Niro reprendrait le rôle de l'avocat new-yorkais travaillant sur une affaire de meurtre dans la mini-série Criminal Justice. Le rôle de l'avocat était tenu par Gandolfini dans le pilote et la vedette des Sopranos est décédée en juin à l'âge de 51 ans après avoir souffert d'une crise cardiaque. Voilà, donc pour ça, c'est le suivi que je voulais faire. Une potentielle série dérivée pour Modern Family. Ah oui? Famille moderne. Un succès critique et public, la comédie de ABC pourrait faire l'objet d'une série dérivée, rapporte The Hollywood Reporter. La chaîne étudie actuellement la possibilité d'étendre l'univers de sa série Star, voilà. Le 22 septembre dernier, Modern Family a remporté son 4e Emmy Award consécutif dans la catégorie meilleure comédie. Et puis 3 jours plus tard, 11,7 millions de téléspectateurs ont assisté au lancement de sa 5e saison. Face à cet engouement, ABC aimerait apporter une série dérivée qui poursuivrait le succès de sa série. Selon The Hollywood Reporter, plusieurs pistes d'intrigue seraient actuellement étudiées. L'une d'entre elles reposerait sur Gil Thorpe, un agent immobilier sans merci apparu le temps de 2 épisodes la saison dernière. Un personnage qui était incarné par l'acteur Rob Riggle qui jouait dans Saturday Night Live à l'époque. Oh. En cas de concrétisation, le co-créateur et producteur de la série, Steve Levitan, portera ce projet sur ses épaules, laissant les commandes de la série originale à son partenaire Chris Lloyd. Johnny Depp travaille sur une série télé. Ah oui? Ouais, déjà producteur des films Hugo Cabret, Dark Shadows ou encore Lone Ranger, l'acteur américain investit désormais le petit écran. Pour la Fox, il participera au développement d'une comédie familiale selon Deadline.com. Torch te racontera l'histoire d'un beau parleur qui s'évertue à offrir à son fils une vie qu'il n'a jamais eue grâce à un travail singulier qui est à la limite de la légalité. Johnny Depp produira cette comédie aux côtés de Chris Miller et Phil Lord, réalisateurs de la version grand écran de 21 Jump Street et la suite de 22 Jump Street. Mais il jouera pas dedans? Pas ce qu'on voit en ce moment. Peut-être qu'il va faire un caméo, un peu comme d'autres créateurs vedettes l'ont fait, j'imagine. Oh. Ouais, c'est triste un peu. Fox, qui a donné un series commitment à Gotham. Donc, series commitment, ça veut dire que la série devrait avoir lieu, si tout va bien, si le script est assez bon. Donc, c'est une histoire d'origine centrée autour du personnage du commissioner James Jim Gordon dans les bandes dessinées Batman. Et les vilains qui ont rendu Gotham City infâme, encore une fois, selon Deadline. Le projet qui vient de Warner Brothers TV et du créateur de The Mentalist, Bruno Heller, ça va montrer donc Jim Gordon, alors qu'il était toujours détective à la Gotham City Police Department, ou O, masculin ici. Donc, il n'avait pas encore rencontré Batman à l'époque, donc Batman ne sera pas dans la série. Ça va être une série d'origine sur un personnage dans Batman et non pas sur Batman. Ouais, OK. Donc, on suit ça, évidemment. Le personnage qui avait été joué par Gary Oldman dans la plus récente série de Batman. Et finalement, les Simpsons prévoient tuer un autre personnage important. Hein? Oui, non! Et on dit très important. Non! C'est quelque chose quand même d'apprendre ça. Un peu comme dans la saison 11, on avait tué, et là, spoiler alert d'il y a 14 ans, on avait tué Maude Flanders, oui. Excuse-moi, le bip était pas en même temps que le... Non, c'est ça, c'est pas grave. Donc, les Simpsons prévoient tuer un personnage avec dans la saison 25. Le producteur exécutif Al Jean a révélé que la future mort va s'en venir dans le journal Sun News. Donc, c'est ça. Il dit, et je cite, « Je vais vous donner un indice. Le personnage a gagné un Emmy pour avoir joué ce personnage-là. » L'acteur a gagné un Emmy pour un... Bon. C'est qui? Donc, plusieurs vedettes ont gagné un Emmy. Est-ce que tu veux que je t'en dise quelques-uns? Ouais, ouais, donc. Donc, Dan Castellaneta, qui joue Homer, Krusty, Barney et d'autres, a gagné un Emmy pour son rôle. Hank Azaria, qui joue Mo, Apu et le chef Wiggum, entre autres. Et les acteurs invités, Kelsey Grammer. Moi, je miserais sur Kelsey Grammer, qui a joué Sideshow Bob, en anglais. Et Anne Hathaway, qui a joué Princess Penelope. Ils ont tous les deux gagné un Emmy pour, pour leur rôle. Moi, je dirais un artiste invité, et certainement pas ni Dan Castellaneta ou Hank Azaria, parce que c'est deux vedettes principales, c'est me surprendre bien gros. Ouais, mais ils disent quand même que c'est une big vedette, hein? Ben, dans le fond, les grosses vedettes acteurs, comme Kelsey Grammer, qui est une extrêmement grosse vedette aux États-Unis, Anne Hathaway aussi, donc, tu sais, les vedettes, c'est pas leurs personnages qui sont populaires, c'est la vedette, j'imagine. C'est, faut jouer avec les mots là-dedans, je sais pas. Ouais, je sais pas, hein. Je sais pas du tout. Mais je sais pas, moi, je pensais peut-être à... peut-être Krusty, mais... Peut-être, hein, mais c'est... Tu sais, après tant... Ah, ben j'avoue que t'as raison que si c'est un personnage important qui meurt, la vedette reste dans l'émission et joue quand même ses autres rôles. Donc, si, mettons, Krusty meurt, il continue de faire Chef Wiggum, le gars. Oui. Ah, j'avoue. J'avais pas pensé à ça de même. Je pense que t'as raison. Ça pourrait être ça. On verra bien. On verra bien. Donc, voilà pour CNX et on transitionne extrêmement rapidement, comme on le fait toujours à ce moment-ci de l'émission, vers la fin. Hein, le temps passe vite. Voici, c'est un fait Tech Edition. On veut une heure et demie. On veut une heure et demie. Ça rentre pas dans la grille horaire. Ça rentre pas dans la grille horaire. Va t'en mettre moins. Oui, je sais. Je suis pas capable. Donc, commençons. On va faire seulement le bloc, dans le fond, de choses qui se sont passées dans l'histoire. Ah, attends un peu. Quoi? Ah, non. Qu'est-ce qu'il y a? Mes affaires de notes de... Uh-oh. Ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave. Je vais y aller. Attends, sur assemblage requis. Ouais. Non, je vais y aller à la main, mettons. Donc, OK. Oui, en 1982, le 1er octobre 2013, d'habitude, je me souligne des affaires. Donc, 1er octobre en 1982, Sony a commencé à vendre les premiers lecteurs CD au public. Le premier était le CDP 101 pour 168 000 yens, environ 730 dollars américains. Et à ce moment-là, on pouvait acheter l'album de Billy Joel, 50 Second Street, sur CD. Et ça, c'était un des premiers. Et ensuite, plusieurs autres sont arrivés. Oh. Toujours le 1er octobre en 2003. 4chan qui a lancé sa page principale, c'était supposé être le site sœur du site japonais 2chan pour des discussions sur les mangas et les animés. Mais finalement, 4chan, ce que c'est devenu, c'est un terrain fertile pour la création de memes. Donc des mods populaires sur Internet, là, des gifs animés, des trucs comme ça, des affaires vulgaires des fois. Oui. Donc c'est eux qui ont créé le Rick Rolling, le mouvement Anonymous, Pedo Bear et plusieurs autres. Donc ça a commencé en 2003. Ensuite, on recule au 30 septembre. Et on va en 1980 où Xerox a publié la version 1.0 de l'Ethernet. Ethernet qui est le système, et, dans le fond, d'Internet. Tu branches des fils Ethernet, là, E-T-H-E-R-N-E-T. Oui. Ensuite, je me rappelle qu'on avait sauté quelques jours là-dedans. Je pense qu'il n'y avait rien d'intéressant le 29 septembre. Le 28 septembre en 1998, Internet Explorer de Microsoft a dépassé Netscape Navigator en tant que le furteur Internet avec la plus grande part de marché. C'est selon un rapport de la International Data Corporation. On recule ensuite au 27 septembre ça fait une très bonne chronique radio ça quand j'ai pas mes notes. En 1922, 27 septembre, les scientifiques de la Naval Aircraft Radio Laboratory près de Washington DC ont démontré un radar, donc dans le fond qui montrait un bateau qui pouvait passer à travers les ondes radio, la diffusion entre deux stations de radio, et on détectait avec ces ondes radio là qu'on pouvait dans le fond savoir où était, ou dans le fond, que le bateau était détectable par ces ondes radio-là, dans le fond. Il y avait des stations de radio qui étaient là, puis le bateau a passé entre les deux, puis on a vu que les ondes radio pouvaient voir que le bateau existait. Wow, donc, c'est dommage. Quelque chose comme ça. Quand même. Voilà. En 1960, pour la première fois, un débat présidentiel américain a été télévisé. Le vice-président Nixon et le sénateur Kennedy ont fait un débat à Chicago et ont été perçus différemment par rapport à « Est-ce que tu écoutais à la radio? » Donc là, il y avait une opinion favorable sur une personne et l'autre négative. Et le contraire se passait à la télé. Parce que là, il voyait le gars s'essuyer le front de sa sueur, tu sais. Ah! Comme ça. Donc ça a vraiment... Ça a eu un impact, moi. Ah, ouais. Un grand impact. Et finalement, celui-là, j'ai mis une note. Le 25 septembre 1956, le premier système de câble de téléphone transatlantique sous-marin, TAT-1, a été inauguré. Ça a remplacé le système de télégraphe et le système radio qui n'était pas très, très fiable. Donc, le premier système de câblage téléphonique sous-marin transatlantique. Et finalement, en 2001, Apple annonce la sortie de macOS 10.1 Puma. C'était la première mise à jour majeure de macOS 10. Voilà. Et maintenant, ben, on parle toujours de ce qui s'est passé dans l'histoire, mais c'est les 15 ans de Google en 15 dates clés. Oh! Intéressant quand même. Donc, oui. 27 septembre dernier, qu'on célébrait le 15e anniversaire de Google. Retour sur l'histoire exceptionnelle de cette compagnie américaine qui a bouleversé les habitudes des internautes du monde entier. Allons-y. Le 27 septembre 1998, enregistrement du nom de domaine Google.com et mise en ligne du nouveau moteur de recherche. Mm-hmm. En 9 mai 2000, le moteur de recherche est disponible en 10 nouvelles langues, dont le français. Le 26 juin 2000, Google devient le premier moteur de recherche à référencer 1 milliard de pages web. Wow! Mm-hmm. Le 1er avril 2004, lancement de Gmail en version bêta, un webmail, donc courrier électronique web d'une capacité initiale de 1 gig. Le 8 février 2005, lancement de Google Maps, un service inédit de cartographie en ligne, alors limité aux États-Unis, au Canada et à la Grande-Bretagne. 13 novembre 2006, Google rachète la plateforme de partage de vidéos YouTube. OK. Pour 1,6 milliard de bidous. Et... Ouch, mais je pense que ça valait la peine. Ça fait un petit creux dans ta poche. Oui, c'est ça. Le 25 mai 2007, lancement de Street View, une fonctionnalité implémentée dans Google Maps et qui permet de naviguer virtuellement dans les rues de certaines villes. Mm-hmm. Ça, j'adore ce service-là. 5 novembre 2007, Google annonce Android, un nouveau système d'exploitation mobile concurrent de iOS, Symbian et Windows Mobile. Le 1er septembre 2008, Google présente Chrome, son premier navigateur web. Et je suis toujours en amour. 7 juillet 2009, la firme de Mountain View annonce son projet de système d'exploitation Google Chrome basé sur Linux. Le 5 janvier 2010, présentation du Nexus One, le premier Google Phone produit par HTC. Le 15 juillet 2011, sortie du premier Chromebook signé Samsung, un ordinateur portable fonctionnant sous Chrome OS. Le 28 juin 2011, lancement de Google+, un tout nouveau réseau social censé concurrencer Facebook. Échec total comme toujours, mais au moins ça continue. Ça. Ouais, ouais. Ça dure quand même depuis quoi, 2 ans et demi? Ouais. Ça marche pas plus qu'il y a 2 ans. Ouais. 29 juillet 2011, l'État du Nevada autorise la circulation de voitures sans conducteur, ce qui permet au projet Google Driverless Car de procéder à des tests de grandeur nature. Et finalement, le 5 avril 2012, Sergey Brin porte un premier prototype Google Glass, ouvrant ainsi la porte à une future production de lunettes à réalité augmentée. Tu te rappelles ce petit truc qu'on aura tous sur le visage un jour? Ouais. Si ils ont raison. Parce que c'est ce qu'ils veulent. On sait pas. Donc voilà pour C'est un fait Tech Edition. Dans quelques minutes, ce sera la chronique Geek est en devenir. Bien sûr, avec toi, Marie-Ève Picard. Oui. Mais pour l'instant, une autre pièce de chiptune. On écoute Bit R Chaos avec Stardust in the Wind, NPS de Mathieu Planche. Très efficace pièce de Bitter Chaos. C'était Stardust in the Wind au Mathieu Plante Show. Et maintenant, mais pour clore l'émission, mettre le chapeau de fête sur ma tête. Voici la geekette en devenir. Point ou point. Ben, j'essaie de faire le petit sifflement, là. Ah. Ouais, c'est ça. Ah, Marie-Ève Picard, que tu termines bien cette émission avec la geekette en devenir. Ah, merci, merci. Oui, de quoi nous parles-tu aujourd'hui? Là, écoute, Mathieu Plante. Je t'écoute. On va se dire les vraies affaires. Oui. Toi, mettons la porn, là. T'aimes-tu ça? Non. Moi, non, j'ai bien assez de toi. Oh! Merci. Oh! OK, c'était un petit peu trop clair, ça. Ouais. Écoute, tout d'un coup que t'aurais envie, là, mettons. Mettons, imaginons-nous que j'ai ouais, envie. Okay. C'est ça. Je me mets dans l'esprit. Oh, attention, okay. Je peux plus me lever. OK, une blague d'érection, comment? Oui. OK, donc? OK, oui, en fait, puis mettons que t'aurais envie de la lire. De lire de la porn? Ouais. Comme des romans à l'eau de rose. À la place, là. Ouais, à la place de la regarder à la TV, là. Ouais. Eh bien, Christy Sims, elle a sorti des petits romans à l'eau de rose, là, justement. OK. Mais version un peu porn trash, là. OK. Et je suis sûre que tu devineras jamais avec qui... Une jeune femme pourrait avoir des relations. OK, attends, je vais te faire mon top 3 de mes fantasmes. Ouais, okay. Attends, vas-y. Donc, t'as évidemment les rousses. OK. Évidemment. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre dedans qui se dit à radio? Je sais pas. Et numéro 3, moi surtout, ce qui me fait triper, c'est les dinosaures. Hein? Ouais. Arrête donc, toi. Je capote. Et Colin, ben, moi t'acheter ça pour Noël, cool. Parce que ton rêve est réalité. Non! Je ne le crois pas! Je te le dis. Ben, je te crée pas. Ben oui. Alors, c'est ça. Christy Sims est une auteure qui aime beaucoup ces genres de... Parlant de Sears, les catalogues Sears, c'est la deuxième affaire qui me fait triper dans le top 3. Okay, cool. Ah, OK. Ouais, okay. C'est bon. Et voilà, c'est ça. En fait, elle écrit des histoires avec fantasmes, dinosaures, femmes. C'est un petit peu trash, là. Quelle idée, tu sais. Qui a eu cette idée-là? Ben, sûrement elle, mais pourquoi? Elle s'est publiée ouais. Et tout, là. Ouais, ouais, c'est ça, là. Okay. Tu peux l'acheter, là. Wow. Ouais, moi aussi, je me posais des questions, là. C'est bien beau que t'aimes les romans érotiques un peu bizarres, mais... Il y a des limites, à un moment donné? Ouais, je trouve ça drôle. C'est un pas peu. Très réaliste, en plus, tu sais. Non, non, ça a l'air... tu regardes les couvertures, là, puis... Putain, qu'il n'y a pas être réaliste, tu sais, mets des dragons, tu sais, à ouais, place, parce que ça, ouais. Au moins, ça existe vraiment mais, pas. Mais tu sais quoi? Mais c'est ce genre d'auteur-là. Ouais. Elle aime ça, les affaires bizarres, aussi. C'est comme... C'est comme du Seigneur des Anneaux, genre, ou ouais. Game of Thrones. Il y a des dragons dans Game of Thrones. Oui, oui c'est mais vrai. C'est ça. Elle en fait d'autres aussi, avec d'autres sortes, là, mettons, avec des trolls, des toutes sortes de choses. Des trolls! Oui. Excuse-moi, mais il n'y a pas grand-chose de moins attirant que des trolls. Ouais. Alors, voilà, c'est ça. Wow. Écoute, et maintenant, on transitionne. Dis-moi donc, quelle est la chose la plus importante dans un couple? je sais pas. Mettons. Le sexe, j'imagine. La confiance. L'amour. Je remplace ma réponse par l'amour. Ah, c'est beau. Ouais. Mais non, c'est pas ça que je cherchais. Okay. Les compromis. Ah, d'accord. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, c'est ce qui arrive. Stiletto Studio of New Zealand a sorti, dans le fond, un gâteau de mariage pour faire plaisir à un couple, mettons. Et c'est une moitié normale pour la fille. Un petit gâteau cliché là, de mariage blanc avec du crème rouge. Voilà, ouais. C'est ça. Et l'autre moitié, c'est une moitié de Batman. Ah, noir. Noir avec du jaune, pis tout. Mien à la banane, j'imagine. Je sais pas, ça te dit pas. Non c'est pas grave, mais ça doit être bon en tabarouette. Moi, je mangerais juste ce bar-là, puis l'autre, quand elle mettrait dans le congélateur pendant 20 ans. Comme ben tout le monde, ouais, c'est ça. Puis après ça, tu te demandes, voyons, c'est quoi j'avais mis là-dedans? Là? Mais c'est ça, donc ils ont sorti ça pour faire un compromis, dans le fond, pour les couples. Hein? Fait que c'est vraiment cool. Allez voir l'image. C'est magnifique. Assemblagerequis.com, bien sûr. Oui, c'est magnifique. Joli. Oui. Et finalement, pour finir, il y a l'artiste Tim Schmidt. OK. Écoutez, je ne peux pas passer à côté de ça. Alors, on parle des princesses de Disney presque à tous les épisodes. À chaque semaine, tu m'as au moins sorti une nouvelle sur les princesses de Disney. Ben c'est rendu une tradition, hein? On ne pourrait plus vivre sans ça. Ben non, c'est ça. Fait que là, la pression est là quand même. Hein? Eh bien, c'est ça. Donc, l'artiste Tim Schmidt a dessiné, en fait, les princesses de Disney. Mais version avec des tatous. OK. Tu sais, tout tatoué, là, genre... ben, c'est pas si trash, là, mais quand même. Et les images sont elles-mêmes supposées être des tatous que tu pourrais te faire, dans le fond, si je vois bien l'image. Mais je crois pas que tu peux le faire. Parce que si t'amènes ça à quelqu'un qui a du talent. Ah oui, oui, dans ce sens-là, oui. Ouais. Oui, ben oui, c'est ça. Ça serait beau pour vrai, un tatou de ça, ces princesses-là qui ont l'air dans une pose très, très, roman à l'eau de rose. Oui, quand même. Sans les dinosaures. Oui, c'est vrai, hein. Maintenant, je regarde ça, ouais. Mais non, c'est drôle. Tu sais, on dirait, on les imagine tellement. Princesse, justement, ouais. Là, tu sais, toute parfaite, là. Et c'est tout ça les mêmes, évidemment. Là, on prend tout ça les classiques. Ariel, évidemment, ben comme oui. Le fantasme de, tout, de tous les... De tous les hommes, presque. Et oui, c'est ça. Et femmes. Voilà. D'intérêt féminin. Ben oui. Wow! Et voilà. Superbe! Ah, la petite fille, là, dans Aladdin. Ben oui, hein. Ouais, Colin, tu nous en donnes du bon matériel, toi qui disais que j'avais pas besoin de porno. Hein, ben non, c'est ça. Ben, écoute, ben... J'ai cet article-là. Ça peut être ça, ta porno, écoute. Un autre fantasme. Ouais, ouais. On dévoile tous nos fantasmes ici au Mathieu Plante Show. On retrouve les liens sur assemblagerequis.com, bien sûr. Oui. Et une autre geekette en devenir la semaine prochaine. Une autre édition du Mathieu Plante Show la semaine prochaine. C'est tout pour nous. Alors, on se retrouve mercredi prochain entre 16h et 17h. On est en rappel les samedis à 15h, ça vous adonne. Consultez cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Merci Maria Picard. Ça me fait plaisir. De ma part, Mathieu Plante, et de tout le reste de l'équipe fictive du Mathieu Plante Show. Passez une belle semaine. Bye. Bye.